Chapitre 192. L'incitation à assister aux prières en commun du Subh et du Isha. 1071. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Celui qui assiste à la prière en commun du Isha est considéré comme ayant passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui assiste à la prière en commun du Subh est considéré comme ayant passé toute la nuit en prière. » Muslim. Dans la version d'At-Tirmidhi, rapportée également par Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui assiste à la prière en commun du Isha est considéré comme ayant passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui assiste aux prières en commun du Isha et du Subh est considéré comme ayant passé toute la nuit en prière. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1072. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Et s'ils connaissaient le mérite de la prière de la nuit, Isha, et celle de l'aube, Subh, ils y viendraient même à quatre pattes. » Al-Bukhari et Muslim. Voir le hadith numéro 1033. 1073. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'y a pas de prière plus difficile pour les hypocrites que celle du Subh et du Isha. Mais s'ils connaissaient leur mérite, ils y viendraient même à quatre pattes. » Al-Bukhari et Muslim.